Bienvenue dans le Work for Show, en ce jeudi 1er décembre, premier jour du mois, et premier jour du mois, un jour exceptionnel, n'est-ce pas, puisque ce soir nous recevons... Bonjour mademoiselle. Bonsoir. mais quelle est cette charmante voix que nous entendons? Eh bien, j'avais envie de revenir pour la 66e, parce que si, si, ça me parle. Ça te parle bien? Bon, bonsoir Jen. Bonsoir Phil, je suis trop content d'être là. Bonsoir Tom. Adieu. Ah merde, on est au Québec, tabernacle. Adieu, c'est en Suisse qu'on dit. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je disais. Je croyais qu'on était chez nos cousins suisses, mais non, on est chez nos cousins québécois. Très bien, monsieur Tom. Et en France en mieux. Ce soir, une émission spéciale Paris Metal France Festival PMFF 6 pour les intimes, qui se déroulera donc, le PMFF, bien entendu, au plan Harrison-Rangis les 6, 7 et 8 janvier 2017. Pour bien commencer l'année, en musique, avec plein d'amis. Tout à fait. Et donc ce soir, on va vous parler de cette magnifique affiche avec plein de groupes français. C'est fort. Et on vous parlera la semaine prochaine des petites surprises, des choses comme ça. Et ce soir, un scoop, on va vous annoncer un groupe qui n'a pas encore été annoncé, qui n'a pas encore été dévoilé sur l'affiche du Paris Metal France Festival. Voilà, il en restait deux. Eh bien, on va vous en annoncer un ce soir. Voilà. On a commencé cette émission avec un groupe qui ne sera pas au Paris Metal France Festival. Hein, dommage, un groupe allemand. Mais en même temps, ils ne sont pas français. Oui, en même temps. Et ils ne sont pas français et surtout, ils sont allemands, excellentissime allemand. Et ils ont un chanteur italien. Voilà. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'Accept. Accept qui nous sort un nouvel album live. Mais cette fois-ci, avec le chanteur qui n'est pas Udo Dirkschneider. Hein, qui était l'ancien chanteur de Titi Quick, mais bon, maintenant ça fait un petit bout de temps qu'il est chanteur de Accept. Et puis quand on ferme les yeux, c'est quand même à s'y méprendre hein, parfois. On a c'est vraiment vrai. L'impression d'entendre la voix de toujours d'Accept. C'était déjà lui quand on a été les voir l'année dernière. Oui, c'était lui. C'était le. Je sais plus comment il s'appelle son nom. Bah, je sais pas. Je sais que j'avais tapé dans l'œil du bassiste, mais. Ouais. Peter Boltz. Ouais, c'est vrai, en plus on pouvait presque leur mais toucher oui, la tête. Tu te rappelles pas qu'il m'a lancé son médiator, le bassiste? Ouais, je me rappelle, on était au Trianon. Ouais. Donc cet album s'appelle Restless and Wild, et le titre que l'on a écouté c'était Restless and Wild, tiré du même album Restless and Wild, cette fois-ci en version live. Ça sort chez Nuclear Blast le 13 janvier, donc c'est quand même une bonne nouveauté, hein, une petite exclusivité pour vous, pour ce mois de décembre, c'est les cadeaux de Noël qui commencent dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, dans un package qui inclura le show complet d'Accept qui a eu lieu au Bang Your Head 2015, il y aura donc un DVD, Blu-ray, il y aura deux CD live pour clôturer toute cette belle histoire des deux albums, parce qu'en fait il a sorti deux albums avec Accept, le nouveau chanteur. Enfin, le chanteur actuel. Et donc, ça permet de clôturer et de mettre les meilleurs morceaux, je pense, d'Accept sur ce double live. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est tout. Hein, c'est tout ce qu'on va vous dire sur Accept ce soir. Mais par contre, on va passer à ce que l'on entend en fond sonore, les enfants, puisque c'est un groupe qui sera en concert très bientôt. Tout à fait. Alors, ce qu'on entend, c'est Banane Métallique. Ils seront en concert samedi soir à Brétigny-sur-Orge. Mmh. Au Rackham. L'entrée est à 8€ et ils joueront avec Breakout et No Hitmakers. Exactement. Merci ma chère Jen. Je t'en prie. Nous enchaînons donc avec le fameux Paris Metal France Festival et avec le groupe qui va ouvrir. Le groupe qui va ouvrir n'est autre que Altered Beast qui a été signé dans les derniers groupes à apparaître sur l'affiche du Paris Metal France Festival. Donc ils joueront le vendredi. Et ils joueront sur quelle scène? Ils joueront sur l'ultime. L'ultime stage. Hein, l'Ultime Stage. Donc voilà, et le groupe aura l'honneur, l'avantage d'ouvrir. Enfin, l'avantage, coup peut-être de pression, pas. Les gars, ouais, si vous nous écoutez ce soir, c'est vous qui ouvrirez ce fameux festival. Voilà. Donc on va vous passer un morceau de leur premier album qui s'appelle Living for the Sin. Ça, c'est le titre de l'album. Et le titre du morceau ? Eh ben, en fait, le titre du morceau, c'est le nom de leur groupe. Voilà, Altered Beast. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Bah, pas mal de choses quand même. Déjà, ils sont français. Ils viennent d'Amiens. Ils sont signés chez Great Den Records. Enfin, ils étaient signés chez Great Den Records. Je ne sais pas si le nouvel album sera également là-dessus. En tout cas, c'est un groupe de heavy qui a été formé en 2004. Et à l'intérieur de ce groupe, on ne va pas tout vous dévoiler, mais je pense que quand même votre curiosité aura été titillée. Et je pense que vous aurez été sur Internet voir de quoi il ressortait pour tous ceux qui ne connaissent pas le groupe. Et vous aurez remarqué quand même qu'il y a des quelques pointures à l'intérieur de ce groupe. Ah, je croyais que tu allais dire il y a des guitares, il y a une batterie, il y a du chant. Aussi. Du coup, vous allez voir. Aussi. Ça. Il n'y a pas de ukulélé. Enfin, quoique. Ouais, hein, va savoir. Quoique. Hein, peut-être jamais. Avec des loustiques pareils, il est possible qu'il y ait un ukulélé. Voilà, donc si vous n'êtes pas à Airborne ce soir, eh ben vous êtes en train d'écouter le Rock for Show et vous allez découvrir Altered Beast pour tous ceux qui ne le connaissent pas. On enchaînera ensuite avec un groupe qui se trouvera, eux, sur la RFS Stage. La Rock for Stage, yes. La Rock d'ailleurs, for Stage. Ça fait RFS. Oui, RFS, hein, RFS, voilà. Rock for Stage. Ouais. Et c'est le groupe Unscared, donc qui avait commencé sa carrière avec une chanteuse et qui maintenant ont un chanteur. Et ils ont sorti, donc c'est pas un album, c'est un EP, un EP 3 titres que nous avons reçu cette année et qui se nomme The Commitment, et le titre que nous allons découvrir ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est ça, c'est Live New World. Live New World. Ah bah tu vois, t'as mis un. Ouais, j'ai oublié. Fait, ouais, Live New World, ça me paraissait bizarre. Ouais, ça me faisait bizarre de laver le. Lave le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. C'est, c'est sympa, on a remarqué, mais. C'était pas mal. Voilà. Il faudrait le laver quand même, ouais, hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est une autoproduction sortie en 2016, donc comme je vous le disais, et ils ont sorti un premier album avec donc la chanteuse Niloufar, que nous avions reçue dans le Rock for Show juste avant qu'ils aillent au Hellfest. C'était une émission assez sympa, c'est-à-dire qu'ils venaient faire l'émission et le jeudi soir, paf, ils partaient au Hellfest dans la foulée. Énorme. C'était énorme, c'était énorme. Et c'est un groupe donc de thrash metal formé en 2002. Et ils nous viennent de Paris. Exactement. Bah, beaucoup de groupes hein, de Paris, en fait, sur cette affiche du Paris Metal France Festival. Et puis, nous allons vous annoncer la première surprise de ce festival, puisque le groupe n'avait pas encore été annoncé sur l'affiche. Et ils joueront donc le premier soir. Tout à fait, sur l'ultime stage. Mmh. Voilà, ils seront notamment aussi en concert au Gibus samedi soir. Ce samedi soir. Voilà, Gibus Live à République. Mm-hmm. Et il s'agit de Tank. Think a New Kind. Voilà. Et nous allons donc écouter un morceau du dernier album qui s'appelle Symbiosis. Et le titre du morceau, Like Vultures. Exactement, et ouais, c'est sorti chez Symbol Music en 2015. C'est un groupe français qui nous vient de Paris, bien évidemment, formé en 2006, et ils nous font du death thrash. Voilà, et ils ont trois albums à leur actif plus un EP. Voilà, un groupe que nous affectionnons particulièrement dans le Rock for Show, un groupe que nous avons reçu plusieurs fois. C'est vrai. Et un groupe qu'il est très agréable de voir en concert. Alors, ils ont perdu leur Simaris, qui est parti faire leur son, guitariste. Leur guitariste, oui. Qui est parti faire sa carrière solo, en fait, en quelque sorte. Et nous avons découvert ce groupe Tank sous un escalier la première fois que je les ai vus jouer. C'était à Dourdan. Nous étions invités par Demon Tool. Et Tank ouvrait pour Demon Tool et Black Horizon. C'était et le groupe qui était ressorti de cette soirée devant toute attente, étant donné que nous ne les connaissions pas, c'était donc Think of New Kind. Donc bah, bravo les gars, et puis aujourd'hui bah, ils se retrouvent sur l'affiche du Paris Metal France Festival. En tout cas, j'espère qu'ils sont très contents d'y être, nous on est très contents de les recevoir. Nous enchaînons ensuite avec un autre groupe qui est passé par le Rock for Show. Sachez que quasiment on va dire 90% des groupes qu'il y a sur l'affiche du Paris Metal Fest Festival sont passés au Rockforge. Sont passés au Rockforge. Ah, en même temps, c'est compliqué de recevoir Accept. C'est des... Nos conseillers... Non, on avait reçu Udo l'époque. À l'époque. Ouais. Ouais. Lors de sa carrière solo. Et je crois qu'on avait eu une interview quand même de Monsieur Kaufman dans un hôtel, donc pour Accept. Voilà. Mais donc c'est quand même difficile de, aujourd'hui en tout cas, de les faire de se recevoir, déplacer. Oui, bien sûr. Dans les clair. Petites radios. Ouais, c'est clair. Indépendante. Donc nous allons poursuivre avec cette affiche du vendredi avec Identity. Identity qui avait sorti un album qui s'appelait Chronicles en 2013. Hein. C'était sorti chez Send the Wood Music. Et le titre que je vous propose, ma chère Jen. Antichristos. Exactement. Et ils se sont formés en 2008 et ils nous font du Death Prog. Alors c'est très bien foutu. Moi, ce que j'adore, c'est que dedans, ils ont mis un instrument joué par une charmante jeune fille qui est le violon. Et faire du violon dans un groupe de death metal de la façon dont elle le fait, c'est-à-dire d'une manière assez virevoltante, eh bien, je trouve que ça donne un attrait à cette musique supérieure. Et ma foi, j'ai un petit peu craqué sur Identity qui a sorti deux albums. Hein, de Death Prog, et ils se sont souvent produits dans la capitale, et ma foi, je les ai déjà vus une bonne dizaine de fois, et j'adore ce groupe. Et donc, ils se retrouvent, logiquement, sur l'affiche du Paris Metal France Festival, et ils joueront sur quelle scène ? Sur le Rock for Stage. Exactement. Et ben voilà, donc on vous a présenté les 4 premiers groupes du Paris Metal France Festival. Et on vous a pas parlé des horaires, bah, ça commencera à 17h30 ouverture le vendredi, des portes, le vendredi. Voilà. Et le premier groupe jouera à 18h, donc Altered c'est, Beast. Okay. Et après, bon, on va vous compter une demi-heure à peu près par groupe, donc toutes les demi-heures, on va avoir un changement. Et puis les têtes d'affiche joueront un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire tous les groupes ne joueront pas moins de 50 minutes. Les têtes d'affiche, hein, je parle. Voilà. Donc on part en musique et on se retrouve tout de suite après. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire par SMS au 06 81 01 28 34 ou plus simplement par la page Facebook du Paris Metal France Festival, puisque nous sommes en direct de dessus et nous pouvons vous répondre. Voilà, on envoie la musique, on se retrouve tout de suite après pour la suite du Paris Metal France Festival par toi. Never dream of tomorrow. I'm from the game. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show avec Jen, Tom et Phil pour vous servir. Oh non, je suis pas là moi. T'es pas là, mais suis-toi là. Si, si, si, si. Non, c'est moi qui sers. C'est toi qui sers. Pour une fois, on peut s'en servir. Donc. Elle ne s'use, j'ai bien dit, ne s'use que si l'on s'en sert. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, hein, voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté, ma chère Jen? Quels sont les groupes que tu as découverts? Putain, c'était de la merde, t'aurais pas pu passer autre chose. Non, je blague, je blague, je blague. Non, non, non, je blague. Autant pour... Non, non, non, vous offusquez pas. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, alors, bah, le téléphone n'arrête pas de sonner maintenant. C'est malin, c'est malin. Ils vont me faire la gueule quand je vais arriver. Il y a même des gens qui sont à Airborne là, qui nous appellent pour nous dire ouais, qu'est-ce que c'est ça, voilà. D'où elle nous insulte? C'est quoi cette connasse? Alors, nous avons écouté Altered Beast, qui seront sur l'ultime stage À 18h, à l'ouverture des portes, voilà, c'est ça. Unscareds, qui seront eux sur le Rockford stage. Mmh. J'ai envie de dire le RFS, je sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Dis la RFS stage. Voilà, la RFS stage. Ouais. Ensuite, nous avons écouté Tank. Qui eux, du coup on vous l'annonce ce soir, seront là aussi sur l'ultime stage, yes, et qui seront notamment en concert au Gibus le 3 décembre. Mmh. Et Identity qui seront sur la Rockford Stage, voilà. Exactement. Le vendredi. Donc tout ça c'est l'affiche du vendredi, les chéris. Exactement, et ce que l'on entend en fond sonore, enfin c'est une partie de l'affiche, hein, puisqu'on n'a pas fini, on va vous en parler d'autres. Hein. D'autres groupes de cette puisqu'il y a 9 groupes, hein, faut savoir qu'il y a 9 groupes le vendredi. Voilà, il y aura 17 groupes le samedi et 17 groupes le dimanche. Hein, donc vous faites le calcul, hein, ça vous fait à peu près 40 groupes. J'ai une petite question, oui, via la page Facebook de David, oui, notre très cher bien-aimé, qui demande est-ce que ADX jouera une setlist différente les 3 soirs, parce que apparemment ADX jouerait les 3 soirs. Mmh. Une chose qui est vraie. On en a pas encore parlé, effectivement, ça allait venir, donc on nous devance déjà sur les questions. Alors David, tu fermes ta gueule. Non, on parle pas comme ça à nos auditeurs. Non mais David, il me connaît, je le kiffe et on donc, s'adore, voilà. Oui, ADX va jouer les 3 soirs et va jouer 3 sets différents pour fêter leurs 35 ans de carrière. Donc et puis ils enregistreront également un DVD et un album live tiré de ces 3 shows du Paris Metal France Festival. Bon voilà David, tu as ta réponse et puis les auditeurs qui se posaient peut-être la question qui ne l'avaient pas. Voilà, bon, et David, je tenais à dire que je t'adore. Voilà. Ouais, on te kiffe. Ouais. Et puis d'ailleurs tu peux poser cette même question, on y répondra comme ça en. Et moi je t'ai fait une bise sur face droite. En direct sur le site du Paris Metal France Festival sous l'émission, sous la bannière de l'émission qu'on a mis ce soir. Hein, comme ça, si t'as d'autres questions, bah, toutes les questions viendront au fur et à mesure se mettre sous cette bannière sur le site du Paris Metal France Festival. Le site ou la page Facebook? La page Facebook. Ouais. Hein, et bien on va passer à ce que l'on entend en fond sonore. Mon Dieu. Donc nous écoutons Lutèce. Voilà. Alors, fallait bien les passer. La meuf qui est complètement désespérée. Fallait bien les passer. Non, ils seront en concert. En fait, ils seront en concert dimanche au club. Donc dimanche 4, voilà, pour remettre la date exactement. Voilà, c'est ça. Au club, on vous donne pas l'adresse. C'est à Châtelet, tout le monde connaît. C'est 14 le samedi. Si, on leur donne l'adresse. Bah, ça va, tout le monde connaît le club maintenant. Tout à fait. Maintenant, c'est pas loin aussi de 26 rue des Lombards du Black Dog. Exactement. Et puis c'est pas loin du Dr Feelgood. Là, on va faire notre soirée la semaine prochaine. 37 rue Quincampoix. Mais voilà. Alors retenez bien cette adresse, 37 rue Quincampoix, pour jeudi prochain. Car jeudi prochain, effectivement, l'émission sera enregistrée. On vous cache rien. On enregistrera l'émission mercredi soir. J'aime bien, tu le caches pas, mais des fois quand on l'enregistre, tu le caches, tu dis pas. Ils sont pas censés savoir, là on peut pas faire autrement. Jeudi soir, ils vont tous nous voir au Dr Feelgood. Voilà. Alors forcément. Faut pas être. Non, si, on peut faire l'émission sur place. Non, mais tu te tais, voilà, faut pas mettre mémé dans les orties. Mais non, on ne peut pas faire l'émission sur place. Tout est possible, tout est réalisable. Il y aura un show de trois groupes. On va vous en parler tout à l'heure, mais on peut déjà commencer à vous en parler puisque ça fait partie de l'affiche du Paris Metal France Festival. Exactement. Il y aura donc Hazel Empire avec leur nouvelle chanteuse. Exactement, qui est absolument fantastique et que j'adore. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, je te fais un gros gros bisou et ça me fera trop plaisir de te revoir. Oxy Art. Exactement. Ça a été annoncé hier. Oui. Hein, par Johan d'Hazel Empire. Et ben, on est très très très content qu'elle joue pour la première fois pour le Paris Metal France Festival, même si c'est en ouverture du enfin, comment on appelle ça, la pré-partie, hein, du Paris Metal France Festival. En tout cas, vous la découvrirez là au Dr Feelgood, et vous la découvrirez sur un show plus complet au Paris Metal France Festival, donc ce sera le 7, hein, le samedi 7. Le samedi, ouais. Nous allons continuer par contre à vous parler de l'affiche du 6, hein, avec une affiche assez plutôt tournée extrême, musique qui défonce la tête. Mon cher Tom, est-ce que tu as aussi comment on peut se fournir les places ? Est-ce que tu as trouvé les adresses Ça, c'est en cours, j'ai envie de te dire. C'est en cours, donc c'est sur le Beat Cartel. C'est le Beat Cartel de la BX1. On est sur le Wiz Event, voilà. Hein, donc on va vous donner les liens tout à l'heure, on va les noter, puis on va vous les rappeler. Voilà, et on va passer donc à la suite de la programmation avec le groupe Misanthrope. Alors je vous ai pas choisi un morceau de Misanthrope tel qu'on a l'habitude de les entendre, je vous ai choisi la reprise qu'ils viennent de faire, parce que c'est tout nouveau, tout frais, tout chaud, et que ça existe sur aucun album. Par contre, vous pouvez l'écouter sur le net. C'est Désenchanté de Madame Mylène Farmer, puisque c'est une demande d'un label russe, si mes informations sont bonnes, pour faire un tribute à Mylène Farmer. Et c'est énorme. Et c'est énorme, puisque Misanthrope s'est jeté dans la bataille et a donc concocté ce morceau Désenchanté, qui est vraiment, alors pour le coup, très très bien orchestré. Moi j'adore, parce que on retrouve tout, on retrouve, bon, on reconnaît le titre déjà, et surtout on retrouve la patte Misanthrope, et je crois que c'est un très grand hommage que fait SAS de l'Argilière à Mylène Farmer, parce que c'est une de ses chanteuses et des spectacles qu'il a été voir préféré. Donc, mais je pense que ça doit être à voir. Enfin, moi qui suis pas du tout Mylène Farmer, je pense que la voir en live, ça doit être énorme. Voilà. Moi j'aime pas ce qu'elle fait, mais en live, voilà, c'est pareil. Il y a beaucoup d'artistes en live, il faut les voir. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Rammstein. Oui, et bah, Rammstein, les voir en live, c'est à voir, quoi. C'est voilà. Et après, je pense que les gens vont aimer Rammstein. Alors peut-être qu'après on alors va qu'après, aimer Mylène Farmer. Non, ou pas. Mais non, faut pas pousser Mémé dans les orties. Non. Faut pas pousser Mylène dans les orties. Voilà, c'est ça. Non, faut pas pousser Mimi dans les orties. Non. Juste la voir. Comme voilà. Ça. Oui. Après, on connaît tous plus ou moins Désenchanté. On l'a tous vu, ce clip. Ouais, et puis chanter, fredonner, du moins. Voilà, c'est ça. Arrive, c'est qu'on les, on connaît. Douche, c'est. Hein. Et donc, Misanthrope se fend de ce titre, ma foi, fort bien exécuté. Misanthrope est un quatuor de death metal, on va dire progressif pour certains. Moi, j'aurais pas mis ce terme-là, mais bon, c'est vrai que pour certains titres, en tout cas, ce sont des excellents musiciens. Gaël, Anthony, SAS de l'Argilière et Monsieur Jean-Jacques Moréac sont vraiment des personnages qui savent manier l'instrument et le manient vraiment très très bien. On a joué avec eux il n'y a pas très longtemps vers Strasbourg, vers Nancy, puisque c'était au Rock Your Brain Festival, et c'était vraiment une très très belle prestation de Misanthrope. Le groupe s'est formé en 1989, donc ils ont un petit peu de bouteille quand même, hein, maintenant. Hein, ouais, j'avais 5 ans. Et ils ont à peu près 10 albums, je crois que c'est même le 10e album, hein, le dernier qui était sorti, et le 11e devrait sortir en 2017. Voilà, et sachez qu'ils sont basés sur Meaux, mais en fait ils viennent d'un peu partout, parce qu'ils sont tous un petit peu éclatés dans toute la France pour y habiter, hein, et puis avoir leur métier respectif, on va dire. Nous enchaînerons, alors donc, comme on vous l'a dit, hein, Misanthrope jouera sur la Ultime Stage, bien évidemment. Et juste après eux joueront le groupe You're Blind, qui sera, on peut dire, co-tête d'affiche de la petite scène de la Rock for Stage. C'est ça. Hein, et ils viendront nous présenter des morceaux de Blind But Alive, leur dernier album, qui sur l'album est chanté par, si mes souvenirs sont bons, par Monsieur Chuck, hein, par Monsieur Chuck, qui était ex-chanteur de No Return. Par contre, en live, c'est chanté par Rash Roberts, qui n'est autre que notre Rash national, et oui, qui chantait dans le premier Paris Metal France Festival, Sous c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Référence. Mais oui, c'est ça, et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Donc voilà pourquoi tout le monde va se demander pourquoi ces groupes-là jouent au Paris Metal France Festival. Bah, You're Blind, tout simplement parce qu'on les connaît et on les suit depuis très longtemps, parce que c'est pas des petits jeunes non plus sur la scène, hein. Ils ont quand même un petit peu de bouteille, puisqu'ils existent depuis 2002. Et on les a pas mal reçus aussi au Rock for Show. Et Rash Roberts de Resco Référence a été venu faire une magnifique session live acoustique pour un groupe de Lost Metal dans le Rock for Show. Et à l'époque, le batteur de Resco Référence n'était autre que Foued. Non ! Si, The Old Dead Tree, qui est devenu après The Old Dead Tree, oui. Et qui est maintenant dans Arcane. Oui, tout voilà. À fait. Donc ce ne sont effectivement que des amis, que des connaissances. Et voilà pourquoi on les fait jouer. Le titre du morceau que l'on va vous diffuser ce soir de You're Blind, The Exploited, exactement, sorti chez Season of Mist en 2015, l'album bien entendu. Le groupe fait œuvre dans du death thrash et ils ont à leur actif 3 albums. Nous continuons cette programmation musicale avec la question de David, à savoir le groupe ADX jouera-t-il les 3 soirs? Oui, le groupe joue les 3 soirs et donc nous allons vous passer Déesse du Crime. Puisque, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le groupe fêtera ses 35 ans de carrière. Et donc, pour ces 35 ans de carrière, revisiteront tous leurs albums. Hein ? Alors, ils revisiteront pas tous les titres de tous leurs albums, mais quelques titres par album. Et ils vous proposeront donc une setlist différente chaque soir. Et là, on commence donc avec le premier soir, Déesse du Crime, puisque je pense qu'ils vont commencer dans l'ordre un peu chronologique. À vous d'être là pour voir. C'est tiré de l'album Exécution, sorti chez Devil's Records en 1985, si mes souvenirs sont bons. C'est un groupe de heavy speed, bien entendu, formé en 1982 dans l'Oise. Et ils ont à peu près à leur actif une bonne dizaine d'albums, dont le dernier, Non Serviam, qui défraie un peu la chronique. Et ils sont également les co-organisateurs du Paris Metal France Festival cette année. Hein. Ils ne l'étaient pas les autres années, mais cette année, ils le sont. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de groupes, pourquoi ils ont voulu rassembler un maximum de monde pour fêter les anniversaires. Le leur, celui du festival. Le mien, oui, et celui du festival, puisque le festival fêtera ses 10 années d'existence. Putain, ça fait 10 ans qu'on se connaît, déjà, un peu plus déjà, même. Un peu plus, oui. Ouais. On se connaissait déjà de l'époque Heavy Nation. C'est ça. Hein. Donc, ça fait un petit bout de temps. Nous terminons cette première page plage musicale avec la tête d'affiche de la petite, de la Rock for Stage. Hein. Alors ça n'a pas de, comment dire, c'est pas parce qu'il joue sur la petite scène que c'est un groupe moyen. C'est juste qu'il a fallu placer les groupes. Comme sur un festival en fait, où il faut alterner une scène à l'autre et voilà. Donc le dernier groupe pour cette soirée du vendredi qu'on vous présente sur la Rock for Stage sera donc Witches avec son album The Hunt, son nouveau line-up, puisque le groupe s'est reformé il y a quelques temps. L'album est sorti en 2015. Ils nous viennent de Paris, bien entendu. Ils se sont formés en 1986 et ils nous font du trash death metal. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, ma chère Jen, Jump with Fright. Exactement. On envoie tout de suite la musique. Ça va nous permettre de répondre à vos questions sur Facebook, sur un peu partout. Et puis surtout de rechercher des nouvelles informations à vous donner en direct à l'antenne pour cette émission spéciale Paris Metal France Festival 6 Part 1. Musique. We'll be right back.

retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Et vous entendez Freaky Time. Un titre qu'ils avaient interprété en live chez nous. À l'époque, quand on était dans des studios, dans une cave. Oui, exactement. Maintenant, on est au grenier. C'est et mieux. Et surtout, vous allez les recevoir au Dr. Feelgood. Vous allez les revoir au Dr. Feelgood le jeudi 8 décembre, bien entendu, avec Asyl Empire et d'autres. Et Conscience, bien évidemment, Conscience. Tain, t'as même pas de Conscience. Ouais. Ah ouais. Le Dr. Feelgood, c'est le 37 rue Quincampoix, métro Châtelet ou Hôtel de Ville. Ça commencera à 19h30 et ça finira à 22h30 pile poil. Il y aura les places du PMFF en vente lors de cette soirée pré-partie du PMFF. Et vous pouvez acheter d'ores et déjà vos places sur withevent.com/pmff.vi. Alors ça s'écrit withevent, ça s'écrit W-E-E-Z-E-V-E-N-T, withevent, tout attaché. .com/pmff-vi, c'est-à-dire 6. Sachez une chose, que si vous allez sur ce site, d'abord vous tomberez sur l'inscription avant d'aller à la page. Oui, il faut s'inscrire bien évidemment. Voilà. Et puis après, bah, vous aurez un e-billet. Hein. Par contre, si vous allez sur pmff.bigcartel.com, là vous enregistrez et on vous envoie votre billet. C'est nous qui vous l'envoyons, vous laissez votre nom, adresse et on se charge de vous envoyer les billets. Vous pouvez aussi bien acheter un billet 3 jours, puisqu'il est moins cher, il est à 65 euros. Alors que si vous achetez votre place individuellement par jour, c'est 25 euros et le jour du festival, ce sera donc 30 euros sur place. Voilà. 25 euros plus les frais d'envoi, c'est ça derrière. 25 euros plus les frais d'envoi, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Donc, oui, le 8 décembre, au Dr. Feelgood, vous pourrez acheter vos billets en direct et vous aurez des beaux billets en couleur, puisqu'on renoue à chaque fois avec le PMFF, avec les bons vieux billets d'antan qu'on a envie de garder, même de mettre dans un cadre. Hein. Donc on a essayé de vous faire quelque chose de très joli. J'espère que vous allez apprécier. Nous allons débriefer un petit peu ce que l'on a écouté juste avant, ma chère Jen, puisque nous avions commencé avec qui ? Misanthrope. Mais oui, Misanthrope, bien sûr. Suivi de Your Blind. Exactement, hein. Suivi d'ADX et de Witches. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer à la suite de la programmation musicale, toujours Paris Metal France Festival 6, spécial ce soir. Et merci de ne pas nous appeler, mais de nous envoyer des SMS, hein, surtout quand on est à l'antenne. On va vous rappeler l'adresse du plan aussi. L'adresse du plan, c'est 1 avenue Louis Aragon. 91 130 Ris-Orangis. Merci, ma chère Jen. Je t'en prie. Super. Et quand je disais qu'on allait finir la soirée sur Witches, non, pas du tout, puisqu'on a oublié de citer la tête d'affiche de la... Merciless. Oui, de et l'ultime stage. Et oui, hein, et oui. Merciless qui se jouera donc en tête d'affiche. Donc eux, ils joueront vers 21h. Hein, et on vous rappelle que toutes les soirées se termineront à 23h30. Grand maximum que vous puissiez prendre votre RER ou votre moyen de transport pour entrer, puisque les RER s'arrêtent à minuit 45 à peu près. On vous donnera les horaires, bien entendu, plus en détail la semaine prochaine. Vous pourrez également vous restaurer. Hein. Alors le restaurant est fermé, mais par contre il devrait y avoir des food trucks rien que pour vous, avec trois variétés de plats différentes. Donc à vous de voir. Et sinon vous pourrez boire au bar. Oui, il y a deux bars. Il y a deux bars pour ça. Au burin. À la bière. Vous allez boire avec modération, bien entendu, mais surtout avec nous. Hein, enfin, hormis ceux qui rentrent en transport, ils peuvent se permettre. Ceux qui sont en voiture, oui. Merciless, donc, tête d'affiche de ce premier soir qui nous viennent, Merciless, de Mulhouse. Ils nous viennent de Mulhouse. Oui, tout à fait. Ils ont signé chez Chaotoxin leur album qui est sorti le 7 octobre 2016. Chez Chaotoxin, justement. Ils se sont formés en 1991. Ils nous font du death metal. Ils ont 6 albums studio. Et le titre qu'on va vous passer s'appelle Christianiste. Exactement. Voilà. Et c'est tiré de quel album ? Alors, c'est tiré de l'album Pathetic Divinity. Merci, ma chère Jane. On sent les mecs qui en ont contre Dieu, quoi. Non, mais je crois surtout que c'est par rapport à tous les événements, tout ce qui s'était, ah, tout ce qui oui, s'était passé, ouais. Tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est dans la mouvance, hein, un petit peu. Nous enchaînons ensuite avec ceux qui vont ouvrir. Avec Celle. Celle, puisque maintenant c'est un groupe mixte. Ah oui, mixte. Oui, c'est vrai. Alors ce moi, autant pour moi, parce que j'étais restée sur ce groupe féminin absolument. Et comme le masculin l'emporte sur le féminin, même si je suis pas toujours d'accord. Non, mais Celle, moi je confirme, les Furies, pour le coup, pour moi ça reste un groupe de nanas couillues. Voilà. De nanas couillues, puisqu'on y retrouve la batteuse Zaza à la batterie, hein, et puis au chant et à la basse. Nous retrouvons la jolie Linda Bastard. Exactement, et donc nous allons vous faire écouter La Guerrière. Le seul titre en français, en fait, de Furies pour l'instant. Vrai. Alors après, ils en auront peut-être d'autres d'ici là. Sachez que c'est une autoproduction, c'est sorti en 2015. Ils étaient venus dans les studios du Rock for Show pour nous présenter justement ce titre. Et je crois que c'était le 22 octobre. Ça devait être le 22 octobre. Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. Une date assez tristounette. Pour moi, C'était effectivement le 22 octobre 2015. Ils ont sorti donc un EP. Et, avec, je crois que sur ce EP, il devait y avoir 3 ou 4 titres. Et ce titre qui est sur une compilation qui s'appelle la compilation de La Souterraine. Oui, c'est vrai qu'elle nous présentait d'ailleurs ce soir-là. Vous parliez des émissions, ils sont venus que toutes les 4 ? Enfin, que dans le studio en elle-même ou l'émission non, on a fait en groupe. C'était l'émission où il y avait plein de groupes. Grand studio. Il y avait plein de groupes dans le grand studio. Ouais. Parce que sinon, c'était revenu et après. Oui. L'émission où je n'étais pas là. Donc c'était le 4 février. C'est ça. Bah bien, bravo. Ah ouais, je m'en souviens un petit peu quand même. La seule émission où il n'était pas là. Voilà. Donc c'est un quatuor mixte et ils nous viennent de Paris, enfin de la région parisienne, hein, puisqu'ils sont du 95. Et puis non, il y en a aussi qui habitent sur Paris aussi. On enchaînera ensuite avec Octane, un petit groupe que l'on a découvert lors de notre pérégrination avec Alex dans le nord de la France, puisque c'était à Douai que l'on a découvert Octane, à Douai et en Belgique également, puisque le groupe était sur la tournée avec Alex et Draka. Ils nous ont sorti un petit EP de 3 titres, et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle... TV. Hey, et nous, c'est de la radio. Ouais. Donc, j'espère que dans leur prochain album, ils feront un titre radio. On sait jamais. En tout cas, c'est très bien exécuté. C'est un duo, c'est un groupe, hein, un vrai groupe avec des musiciens. Mais il y a également au chant un duo mixte, une chanteuse et un chanteur. La chanteuse s'appelle Morgane. Voilà. Pour la petite histoire. Par contre, le chanteur, on s'en bat les couilles. Seb, peut-être. Hein, bah justement, faut regarder. Ah bah bravo, on se souvient de la chanteuse, mais faut regarder le line-up de. Vous avez le CD, je vous ai mis le CD là, donc vous regardez le. Merci, Jen, merci. Et paf, dans ta gueule, filet vol. Je me souviens du nom de la chanteuse, elle était certes très mignonne. Et pourquoi il a choisi ce groupe-là ? Bah parce qu'il y a une chanteuse dedans. Oui, mais les autres musiciens, ils jouent bien, il y a des autres musiciens. Oui, mais il y a une chanteuse dedans. Et elle s'appelle Morgane. Voilà, en tout cas, non, ils viennent de la Mayenne. Ils nous font un style un peu rock hard. Ils ont sorti deux EP. Et comme je vous le disais, donc des voix mixtes, voix masculines et féminines. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe à chanteuse. Tout à fait, Benighted Soul, ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'en a pas entendu parler. Je les connais personnellement parce qu'avec Eleanor à l'époque on les faisait souvent. Et nous allons écouter Martingale. Oui, tiré de leur album. Tout à fait, Kenotique, qui est sorti chez Season of Mist en 2014. Ils nous viennent de Nancy. Voilà, et ils ont été formés en 2003. En 2003. C'est ça, c'est du métal symphonique. Et voilà, c'est leur deuxième album. Exactement. Eh bien, nous allons partir en musique si notre cher Tom raccroche. En même temps, s'il y en a qui appellent pendant l'émission, forcément, hein, on a bien dit des SMS, n'est-ce pas? Donc, on part avec Furies, on enchaîne avec. Non, Octane. On part pas avec Furies, chérie. Ah non, merci, Mais Laisse. Oui, merci, Laisse. Moi, voilà. j'ai envie de partir qu'avec les filles, t'as vu? Parce que Furies, Octane, on a un trio là quand même. Ouais, c'est bon. Alors, Furies, merci Laës, Furies, Octane, dont la chanteuse s'appelle Morgane, mais chanteur, on s'en bat les couilles. Et Midnight It Soul. Voilà, allez, et on vous souhaite une bonne soirée. Salut. Et pour les SMS, 06 81 01 28 34. Et n'appelez surtout pas, s'il vous plaît. We'll be right back. Yeah. retour dans les studios, il est 20h passé de 59 minutes. 55 minutes. Pense aux Québécois, parce qu'il est quelle heure là-bas? Il est tard. Non, il est tôt, par rapport à chez nous. Il fait encore jour chez eux, là, normalement. Et chez il nous... va pas tarder à faire nuit, parce que je pense qu'il fait, il fait nuit à 16-17h, je crois. Ah, là, il fait nuit de bonne heure. Mais là, il doit être donc 15h, 16h, 15h. 15h, ouais. 15h, moi je dirais 14h55. Ouais, 15h quoi. ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Eisdorf. Ils seront en concert avec Elciferum et Cataclysm. Tout à fait, au Bataclan le 7 décembre. Ça me fait bizarre de redire cette salle. Ouais. Effectivement. J'ai des potes qui sont allés voir FFF et. Et ça leur a fait bizarre de remettre les pieds dans cette salle. Voilà. J'imagine bien. Et bon, moi je pense qu'il va me falloir un peu de temps. Nous, on n'y sera pas, puisqu'on sera ici en train d'enregistrer l'émission de jeudi prochain, puisque jeudi prochain, on vous le rappelle, au Dr Feelgood, 37 rue Quincampoix, 75004, Paris, métro Hôtel de Ville ou Châtelet, il y aura la pré-partie du Paris Metal France Festival, où on vous présentera l'affiche, où on vous présentera les horaires, on vous présentera également trois groupes, Asylum Empire, Conscience et Freaky Time, qui seront là en live. Hein, ils feront des petites sessions live pour vous faire découvrir un petit peu leur style musical. Les places seront également en vente, mais en attendant, de, si vous voulez les acheter avant de venir nous voir, c'est sur Wheez Event, Wheez comme W-E-E-Z Event. .com slash, excusez-moi, PMFF-VI. Voilà. Et sinon, vous le pouvez également les acheter sur pmff.bigcartel.com. N'est-ce pas, chère Jen? I agree. Qu'est-ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant? Alors, plein de choses. Plein de petites choses. Voilà, plein de petites choses. Alors, attends que je m'y retrouve parce que du coup. Bon, on avait commencé avec Merciless, il me semble. Mais oui, tout à fait. On avait enchaîné avec Furies. Voilà, avec Octane, dont la chanteuse s'appelle Morgane et qu'on s'en bat les couilles du chanteur. Et ensuite, on a terminé par Be Night It's Feu. Voilà, très bien. Par samedi, le samedi 7 janvier 2017. Car le PMFF, c'est le 6, le 7 et le 8 janvier 2017 pour commencer l'année en métal. Nous allons donc enchaîner avec quelle scène déjà? C'est la... Tu m'aides un peu, non? Alors, nous allons enchaîner Conscience avec... Conscience sur l'ultime stage. Alors, non. Non, c'est Frantic Machine d'abord. Ah, Frantic. Mais oui, chouchou, faut pas sauter les lignes. Frantic Machine, ils seront sur la Rockford Stage. Voilà. Alors, nous allons écouter. D'ailleurs, ils ont signé chez Ellie Promotion en Paris. Ils se sont formés en 2003 et c'est un quatuor. Metal. Ils ressemblent assez à... C'est assez influencé par Metallica, d'où le nom Frantic Machine. Bon, c'est pas le meilleur album de Metallica, Frantic, hein, mais bon. Ouais. Enfin, nous, on les a connus au tout début avec Eleanor et du coup, ouais, j'ai un peu vu la progression. Mmh. Là, ça va être cool de pouvoir les retrouver. Et c'est vraiment très bien. C'est très au point maintenant. Ils sont vraiment carrés et c'est pour ça aussi qu'on les a mis sur l'affiche, puisqu'il y a eu un désistement d'un groupe et on leur avait dit si un groupe se désiste, on vous prendra sur l'affiche, et nous avons respecté notre promesse. Donc Frantic Machine est à l'affiche du Paris Metal France Festival et nous en sommes fiers et contents. Nous enchaînerons ensuite avec un ami de toujours du Rock for Show, quelqu'un qui a toujours répondu présent, qui sera encore présent le 8 pour la pré-partie du Paris Metal France Festival, puisqu'il a répondu présent pour venir jouer, même si tout le groupe ne peut pas être là. Ils viendront faire un set acoustique au Dr Feelgood entre Asylum Empire et Freaky Time. Le groupe, c'est Conscience. Notre ami, c'est Matt. Et il viendra avec sa guitare, un de ses amis, et ils viendront quel chanter. Quel branleur de manche. désolé. Ils ont sorti leur dernier album qui s'appelait Aftermath of Summer Snow. Et c'est une autoproduction qui était sortie en 2014. Ils sont parisiens. Ils se sont formés en 2001 au lycée de l'espace. Et ils nous font du metal prog, mais avec beaucoup d'humour. Hein, il y a beaucoup d'humour sur scène, beaucoup de virtuosité et beaucoup de chaleur humaine également, parce que c'est vraiment quelqu'un de très attachant, ce petit Matt. Et pour la petite histoire, moi je les avais découverts en ouverture de Nightwish au Zénith. Oui, mais moi aussi. Ça remonte il y a... Il y a un petit moment déjà, tout à fait. Ouais. Et, et puis après, avec Eleanor, du coup, c'était marrant de les retrouver sur la scène d'Eleanor. Voilà. Mais oui, je crois que la première fois que je les ai vus, en effet, c'était... avec Nightwish. Voilà, et on va écouter un titre qui s'appelle Epilogue Distance. C'est un morceau que Matt nous a fait exprès pour diffuser dans le Rock for Show, puisque les morceaux de Existence, de n'importe quoi, de Conscience, sont assez longs dans leur composition. Hein, et donc il nous a fait quelque chose d'un petit peu plus raccourci, des édits spéciales Rock for Show. Donc on le remercie, merci Mathieu. Et on te donne on te donne rendez-vous donc jeudi prochain. Mais oui, en live. On fera plein de bisous parce qu'on t'aime bien. Nous enchaînerons ensuite avec d'autres fidèles du Rock for Show, des amis du Rock for Show, autrement connus sous le nom de The Outburst, mais depuis que Sarah a quitté le groupe s'appelle maintenant One Last Shot. Et ils étaient présents au dernier Paris Metal France Festival, puisque le The Outburst s'était reformé. Et on avait demandé à One Last Shot de venir présent sur fiche du Paris Metal France Festival numéro 5, mais d'en avoir 25 grâce à ça. Donc One Last Shot, cette fois-ci, viendront faire un show entier, un show entièrement One Last Shotien. Et ça sera le samedi sur la... Rock for Stage. Exactement. Le titre de leur album s'appelle... Alors, c'est First Gear, et on va écouter Headbangers. Ils ont signé chez Ellie Promotion. Promotion. Alors, ils ont comme signé un chez Ellie, chez Promotion, et puis c'était en 2014, et ils sont parisiens. Exactement, ils se sont formés en 2013. 2013. Oui, tout à fait. Voilà, ils nous font... Alors, c'est un gros raccourci, un metal stoner, pas du tout. Hein. C'est un gros metal, bien burné, et effectivement, avec quelques petites influences un peu rock sudiste, stoner, on va dire, ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'ils aimaient bien aussi, oui. Et du coup, ils retrouvent cette... ces racines. Voilà, c'est un petit peu comme si The Outburst avait rencontré Black Label Society. Voilà, et qu'il y avait eu une fusion, et voilà. Et Volbeat. Un petit peu. Hein, je me suis liquéfié, ça s'est pas vu. Nous continuerons avec les purs heavy métalleux grenoblois de Lone Wolf. Exactement. Qui ont sorti un magnifique dernier album qui s'appelle The Anthem Dawn et qui est sorti au mois de mai 2016. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir... Demon's Fire. Le feu du démon. Oui, tout à fait. C'est sorti chez Massacre Records. Et le groupe s'est formé en 1992. Ouais, tout à fait. C'est du heavy speed, mais à l'allemande, en fait. Ouais. C'est vraiment du bon gros heavy. Ça ressemble... Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, ça serait du Running Wild, matinée. Ouais, voilà. Mais même Jens, il a une voix absolument fantastique. Moi, j'ai connu le groupe à l'époque où il y avait encore l'ancien bassiste Driss. Enfin, voilà, ça remonte à un sacré moment. Et pour les avoir vus en répète, à Grenoble d'ailleurs, à l'époque, c'était. Ouais, pour moi, ça m'avait marqué parce que c'était du gros heavy à l'allemande. C'est toujours du gros heavy à l'allemande. Sauf que des groupes français qui font du heavy vraiment à l'allemande comme ça, j'en connaissais pas. Ouais. Et Lone Wolf, en plus, ça me parlait parce que, étant passionné des loups, et voilà, et vraiment, là, les revoir sur scène, ça va être comme une redécouverte, quoi. C'est leur 8e album. Ouais. Voilà, pour la petite histoire. On se quitte en musique. On vous rappelle, si vous voulez nous envoyer des SMS, 06 81 01 28 34. On envoie tout de suite la musique. C'est parti. Oh! I call the mountains. les studios. Il est 9h passé de 17 minutes en France et vous êtes en train d'écouter Attraction. Ils veulent faire un calendrier de la, comme le calendrier de l'Avent, et vous présenteront donc leur premier titre la semaine prochaine, puisque ça fera pile poil 30 jours avant leur entrée en scène au Paris Metal France Festival. C'est pas beau tout ça? Ouais, mais ils déchirent en même temps. Ils ont un bassiste qui est absolument fantastique et physiquement très intéressant. Et Didier Chéneau quand même, qui est un guitariste absolument fabuleux. Et Constance au chant, qui chante divinement bien. Bah voilà. Voilà. Et monsieur John Macaluso à la batterie. Ben voilà, hein, voilà, voilà, c'est tout. Donc vraiment du très très très beau monde. Alors on a écouté juste avant de reprendre l'antenne, on a commencé avec Frantic Machine, exact, nous avons continué avec One Last Shot, Lone Wolf, et désormais nous écoutons Attraction Theory. Voilà, petite boucle sur Attraction Theory et vous découvrirez un morceau entier la semaine prochaine. Donc pour la petite histoire, lui-même Steen, il a joué également avec Symphony X, il a joué avec Riot, il a joué avec plein de gens. Et surtout, il a été l'un des fondateurs de TNT. Et de Arc. Et de Arc. Voilà, nous allons continuer donc et terminer cette émission avec trois groupes français, bien entendu, puisqu'ils sont au Paris Metal France Festival. Il s'agit de Océan. Océan qui nous est revenu avec un nouvel album qui s'appelle C'est la fin. Trois petits points de suspension. Donc c'est la fin, mais... Hein. Avec peut-être une suite. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir... La mort rôde autour de nous. Voilà, qui était venu. Ils étaient venus aussi, je crois, nous le présenter. Tout à fait. Au Rock for Show. Hein. Oui, oui. C'était l'année dernière, en 2015. Et c'était avec le soutien d'Eli Promotion. Tout à fait. Pour le vinyle. Ouais. Hein. Moi, je me souviens surtout de l'after. T'es sûr que c'était en 2015 et pas en 2016, début d'année plutôt? Début d'année, ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être. Pas probable, oui, c'est parce probable. Qu'on est allé au Japonais. Au Japonais, c'est froid, ouais, on avait nos manteaux. Oui, c'est possible. Ouais. C'est tout à fait possible, mon cher Tom. Tom, qui est la Bible du voilà, Rock for Show. Voilà, hein. C'est ça. C'est le cerveau. Oh là, oh là. C'est le cerveau. Il a des moufles, mais c'est trop. Le cerveau. N'en dis pas trop non plus. Alors, c'est sorti chez FGL, excusez-moi, X-Killer. Et en promo, donc, Mademoiselle Ellie Promotion. Cinquième album du groupe. C'est du hard rock, ça s'est formé en 1974. Nous retrouvons Monsieur Georges Baudossian à la guitare, hein. Le maître d'œuvre, on va dire, de ce groupe. Et puis Steph Reb, qui a remplacé le malheureux défunt chanteur de Océan. Et donc le groupe est parisien. Et nous les retrouverons sur l'affiche. Ils avaient déjà joué au Paris Metal France Festival numéro 5. Ils ont vraiment tenu à jouer à nouveau pour cet anniversaire, pour les 10 ans du festival. Et donc, on les a remis, bien entendu, sur l'affiche du Paris Metal France Festival. Un autre grand monsieur de la musique celtique, hard rock, de la musique en général, même, on peut dire, monsieur Pat Homais, une crème. Parce que là, on va avoir que des crèmes. Hein, que des... Sur cette journée, quasiment, même sur l'ensemble de ce festival... Ça sent les câlins à gogo jour-là. Ça sent très, très bon. L'amitié, la passion, et je pense qu'il va y avoir énormément d'émotions sur ce Paris Metal France Festival, parce que je vous l'ai déjà dit, c'était mon dernier, mais ce sera pour le coup réellement le dernier que j'organiserai. Je pense qu'à 50 ans, on peut tourner la page, et on en a fait quand même pas mal déjà depuis. Et donc, Monsieur Pat Homais a tenu à à nous assurer de sa compagnie, et il nous réserve quelques petites surprises sur scène. Le titre que je vous propose de découvrir, c'est No Religion, tiré de son album Behind the Peaks, que nous l'avions reçu d'ailleurs pour qu'il présente cet album dans le Rock for Show. Nous étions encore dans nos anciens locaux, bah, pas les tout derniers, mais les anciens encore. C'est sorti chez Keltia Music en 2014, et Monsieur Pat Homais est une crème en son genre. Et il joue aussi avec un bassiste que l'on connaît bien. Très, très charmant, Christophe d'ailleurs. Hein? Christophe Baver. Ah oui, c'est pas celui qui joue aussi dans Attraction Theory et qui a un ex-headline. Voilà, exactement, c'est lui. Ah, c'est lui, mais je crois que je le connais. Donc, que des amis. Et nous terminerons avec Asylum Empire pour vous dire au revoir, et surtout à la semaine prochaine, car jeudi soir... vous pourrez écouter l'émission ou venir nous rejoindre au Dr Feelgood pour la soirée pré-partie du Paris Metal France Festival avec Asylum Empire, que nous allons écouter en fin d'émission. Conscience et Freaky Time. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine. On vous laisse en musique avec Océan, Pat Homais, Asylum Empire. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock for show. À la semaine prochaine pour la partie 2 du Paris Metal France Festival. Cœur, elle joue avec nos mœurs, elle joue avec nos nerfs, pour nous il y a le mystery.